vois le visage d'une enfant au regard transparent. Son corps habile au raffinement de l'amour me prendra pour toujours. Elle m'appelle par mon nom. Je perds la raison. Est-ce un maléfice ou l'effet subtil du cannabis? Ses jambes et ses bras s'est refermé sur moi. Son corps m'arrache enfin les rats du plaisir.